par des sonnets dès que l'on est. Nous apprenons ce que l'on est. Messe basse et petit secret. Rien ne se perd, rien ne se crée. Mais que la vie est fade quand ton avis n'est qu'une façade. Un mur d'illusion. Il n'y a pas de plus mauvais choix que celui que l'on fait pour toi. Moi je donne raison. À qui veut l'entendre? À qui veut l'entendre? À qui veut l'entendre? À qui veut l'entendre? Publicité dont on annule la nécessité. Douce vertu, miroir doré. On s'évertue à s'adorer. Mais que la vie est triste quand on ne croit que l'on existe que pour se ressembler. Il n'y a pas de plus mauvais choix que celui que l'on fait pour toi. Moi, je donne raison. À qui veut l'entendre? À qui veut l'entendre? À qui veut l'entendre? Fiers héritiers de la révolution, effrayés par la contestation. Mais que la vie éterne, quand plus rien ne nous concerne, ne nous pose question. Il n'y a pas de plus mauvais choix que celui que l'on fait pour toi. Moi, je donne raison. À qui veut l'entendre? À qui veut l'entendre? À qui veut l'entendre? Qui veut l'entendre? Pas de plus mauvais choix que celui que l'on fait pour toi. Pas de plus mauvais choix. Pas de plus mauvais choix. Y'a pas de plus mauvais choix que celui que l'on fait pour toi. Pas de plus mauvais choix.